On va parler du construction de l'avenir de Boom Sessionnée avec notre ami Billy Ménard. Salut Billy! Salut Danny. Billy, de troisième saison avec les constructions de l'avenir, ça a bien été. En fait, vous avez deux matchs à jouer, ça a bien été des belles victoires contre Jonquière et contre Alma. Oui, exactement. Jonquière, Saint-Bruno. Donc, deux belles victoires là, dans les deux dernières semaines. Donc, une de 12 à 4 contre Saint-Bruno et 10 à 3 en fin de semaine là, contre Jonquière. Donc, deux belles victoires à l'équipe. OK. Quel genre d'équipe que vous allez avoir cette année? C'est offensif ou encore, c'est sûr que ça a été. Les équipes vont s'ajouter du senior. Il va toujours avoir des nouveaux joueurs qui vont s'en venir. Oui, ben exactement. Tu sais, il y a quand même un roulement au niveau des joueurs, là, mais je dirais que notre grosse force, là, c'est vraiment notre offensive, là. On a des joueurs à l'attaque là, qui ont un bon bagage au niveau hockey. Donc, c'est certain que ça l'amène à une compétition qui est assez élevée là, du côté de l'offensive là, pour notre équipe. Y a-t-il beaucoup de joueurs, de nouveaux joueurs également qui se sont joints à l'équipe? Je dirais qu'à peu près là, autour de 4-5 joueurs là, qui se sont ajoutés à l'équipe. Donc, c'est vraiment un plus pour nous. T'sais, c'est sûr que avec la pandémie, on en a perdu aussi Ouais. quelques-uns, là, mais je dirais que t'sais, on a 4-5 joueurs là, qui sont très, très bons et qui vont donner un bon coup de main à l'équipe. OK, dis-moi du côté des équipes que tu as vues, Ville-Saguenay, également Alma, est-ce que le pointage indique vraiment l'allure de la rencontre ou ça va être une équipe qui va être plus à surveiller que ça? Ah ben en fait c'est sûr que ça représentera pas la saison au complet là. Ça c'est clair là, tu sais, c'est comme tu as dit tout à l'heure, ben c'est certain qu'il va y avoir un ajustement au niveau des équipes. Même chose de notre côté, tu sais, des fois il peut arriver des games où ça va moins bien là, donc ça reflètera pas l'entièreté de la saison là, ça c'est clair. OK. Donc, là, il vous reste Wendake à aller voir, l'équipe de Québec, c'est ça? Oui, exactement, Et c'est au Wendake complexe sportif en là. fin de semaine, je pense. Vous ouvrez en fin de semaine les matchs, ici même à Dumbo. En Non? fait, non, pas du tout. En fait, c'est vendredi, on se prend contre, encore contre le Jonquière, donc OK. notre game d'ouverture ici à Dolbeau, Mississauga. Mais la semaine prochaine, on va à Wendake, donc samedi le 27 novembre, là, on se présente directement à Wendake le samedi soir. Ça va être le fun de retrouver nos partisans. Dans le fond, ça fait 2 ans qu'on les a pas vus. T'as-tu manqué? Ça a-tu manqué à l'équipe, les joueurs? T'as-tu eu l'occasion de parler avec eux autres? Ah ben c'est certain là, c'est quelque chose qui nous manque. Puis même, tu sais, on entend parler au niveau de notre entourage, les amis, ils ont tout hâte de venir là, au hockey, de retrouver je dirais un semblant de vie avant pandémie là. Donc c'est certain que tout le monde a hâte là à notre game de vendredi là, pour la partie d'ouverture. OK, donc il devrait y avoir un 6, 7, 800 personnes certainement pour ces matchs-là. Ben, on n'a pas d'attente Ouais. particulière en nombre, mais Il y tu en sais, avait-tu un petit effectivement. peu dans les deux matchs que tu as vus? C'était quand même intéressant, Saint-Bruno, puis. Ben, Saint-Bruno, je dirais peut-être, il y avait autour de 300-400 personnes OK. environ, là. Donc, c'était quand même pas mauvais. C'était leur game d'ouverture. Jonquière, Palais des Sports, c'est sûr, c'était assez grand comme Toujours au amphithéâtre, là, Saguenay, là. mais tu sais, exactement. Palais des Sports à Jonquière, il devait peut-être avoir autour de 100-150 personnes. Donc, c'était plus tranquille, mais l'amphithéâtre est assez grand, là. Donc, c'est certain que ça peut paraître un petit peu plus vide, là, qu'à Saint-Bruno. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Donc, on rappelle, c'est vendredi soir, complexe sportif, secteur de Lebeau. Le match est à 20 h contre l'équipe de Ville-Saguenay. Ça va être intéressant à suivre ça. Est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est aussi robuste que v'là 2 ans? Oui, je dirais que le calibre est similaire, là, OK. donc effectivement, il y a des bonnes mises en échec qui se font, puis il peut arriver à l'occasion aussi qu'il y ait des combats là, Petite qui sont. bagarre un peu, petit Ouais, terrain. OK. exactement. Ben, Billy, on se reparle bientôt. Excellent, merci Notre l'ami. ami Billy Minard, les constructions de l'avenir de la Boom.